Ok, ok. Mr. Zugataga, style fresh. Esprit noir négro. C'était Cinco. 19ème, 20ème. Y'aura pas de négo. Ça va trop vite, elle veut qu'on s'aime. L'amour dans la boîte, séquentiel. Des fois on triche et les sommes s'élèvent. Je veux être riche, pas être célèbre. J'accélère, jack sur les lèvres. Ils auront jamais level. Pas de compète, je l'élève. Quand elle est bourrée, c'est à moi qu'elle pense. Elle veut compter ma sassène. Elle veut voyager en première, quitter la France. Mais elle est pas là quand ça saigne. Et des fois je veux tout sans taffer. Me casser, faire le tour sans taffer. Il est mort, Tony, fais pas la mafia. Tu mérites même pas une balle, je vais te baffer. Je te graille comme couscous ma fée. Je te mets 3 balles chez toi quand même. Elle m'aime trop, elle est traumatisée. Fendi sur sa robe, y'a du romantisé. Elle connaît les hommes, pour ça qu'elle m'a choisi. Si elle parle trop noir, je la laisse à port de choisir. Font les bandits, jamais vu une plaquette. Hashtag 7-5, par ici tout s'achète. De la machette à la petite gâchette. Fait de coca, ça coche en cœur de vachette. Elle vient des îles, ouais, elle vient du Brésil. Ouais, jette là ce but, téléphone est crazy. Mafioso, tu nous connais, son peligroso. Fougère 20ème, moi j'ai grandi au zoo. Tu connais, y'a pas un jeu de gros bonheur. L'OPJ me reconnaît. Le soir je fais ma monnaie. Que des pesos, j'connais les doses. Je fais mes loves. Elle m'aime trop, elle est traumatisée. Fendi sur sa robe, y'a du romatisé. Elle connaît les hommes, pour ça qu'elle m'a choisi. Si elle parle trop noir, je la laisse à port de choisir. Dans le sucre, je veux mener la belle vida, je veux ma villa dans le sud. Esprit noir, style fraîche, des roses, des blondes et des brunes. Ma chère était aussi fraîche qu'une gova de condé qui brûle. Attache ta ceinture avec bien le rétro. T'es qu'un souvenir, t'es comme le métro. 20 piges pour un mégot, tout à l'effet aux assiettes. Je rêvais de partir en écolo, je voyage en jet. Je veux faire de l'oseille, m'en fous de la célébrité. Le rap game c'est le ster, mystérieux c'est le briquet. Comme Gérard, je vais les piquer. Si je suis broliqué, big up, siap ou FB, pas besoin de polémiquer. Elle m'aime trop, elle est traumatisée. Fendi sur sa robe, y'a du romantisé. J'arrivais de finir friqué. La rue c'est pas compliqué. Tu fais le gros match, tu te fais niquer. Cousin on est impliqué. La nozo elle est fliquée. Pas le temps de t'expliquer. J'suis dans ma ghetto mélodie. Ma ghetto mélodie. Ma ghetto mélodie.